ses habits, je n'aime pas ses amis. Je n'aime pas non plus tous les livres qu'elle lit. Sa cuisine est spéciale, rien d'origine animale. Faut pas exagérer, un steak n'a jamais fait de mal. Je n'aime pas quand elle danse, je n'aime pas tout ce qu'elle pense. Je n'aime pas non plus quand elle prend trop d'assurance. Quand elle prend ses airs de celle qui a tout vu, qui a tout fait. Va falloir la calmer, sinon je vais m'énerver. Prendre des résolutions, c'est mieux pour l'équilibre du ménage. Essayer de mettre tout à plat avant que je fasse mes bagages. Va falloir y songer, lui annoncer ses quatre vérités. Mais c'est le temps qui fera changer tout ça. Mes amis m'avaient dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais la vie, je la vois autrement. Comment lui dire gentiment qu'on en reste là pour le moment? Mais c'est le temps qui fera changer tout ça. Mes amis m'avaient dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais la vie, je la vois autrement. Comment lui dire gentiment qu'on en reste là pour le moment? Je n'aime pas sa mère, je n'aime pas son père. Je n'aime pas non plus quand elle me prend pour son frère. Elle me parle de mariage en me reprochant mon manque de courage. Je ne vais pas signer avec une fille si bornée. Je n'aime pas quand elle pleure, je n'aime pas ses malheurs. Je n'aime pas non plus toutes ces histoires de bonheur. Elle passe ses journées au téléphone. Pour lui parler, faut passer par France Télécom. Trouver une solution, c'est souhaitable dans l'immédiat. Comprendre la situation, analyser, et pourquoi pas, dans un dernier élan, lui annoncer ses quatre vérités. Mais c'est le temps qui fera changer tout ça. Mes amis m'avaient dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais la vie, je la vois autrement. Comment lui dire gentiment qu'on en reste là pour le moment? Mais la vie, je la vois autrement. Comment lui dire gentiment qu'on en reste là pour le moment?